Nous restons avec le théâtre et Anazel Négron, mais cette fois au centre socio-culturel. Une pièce de théâtre, Les Feux de l'été, s'y jouera les 22 et 23 février. Pour vous en parler, je reçois Lucas Cosnier. Bonjour Lucas. Bonjour. Que pouvez-vous nous dire sur cette pièce ? C'est une compagnie de théâtre qui vient à Anazel Négron pour la troisième fois, pour leur troisième spectacle. Et comme vous nous l'avez dit, ils viennent nous présenter Les Feux de l'été. Donc Jean-Pierre et Véronique, les deux protagonistes de cette pièce, ont l'habitude de sortir en camping-car pour leurs vacances d'été. Or, cette année, ils décident de fêter le 14 juillet chez eux, en Bretagne, et décident de recevoir leurs amis autour d'une bonne soirée, d'un bon repas. Et il va se passer des choses, j'imagine. Oui, ils vont voilà. Avoir quelques difficultés, non ? Oui, voilà, quelques péripéties, des invités surprises, des questions existentielles sur leur couple, des problèmes d'intendance aussi. D'accord. Et alors, c'est quelle compagnie qui vient jouer cette pièce ? Donc, c'est une compagnie bretonne, la compagnie Divias, qui existe depuis plus de 35 ans et qui se produit sur différentes scènes, notamment à Paris, avec l'une de leurs précédentes pièces, et qui viennent depuis 3 ans, du coup, à Anazel. À Anazel. Ouais, oui. Et alors, cette soirée est organisée par qui ? Par le comité des fêtes de Anazel Négron. D'accord. Et alors, c'est donc les 22 et 23 février au centre socio-culturel, c'est à quelle heure ? Donc le samedi, ça sera levée de rideau à 20h30 et le dimanche 23 à 15h. Et les tarifs ? C'est un tarif unique à 15 euros. Et voilà. Est-ce qu'il faut réserver ? Les réservations sont conseillées, donc on prend aussi les réservations sur place. Donc vous avez plusieurs façons de réserver. Soit aller au point de vente du bureau de tabac, l'Émeraude Paula à Anazel Négron, qui se situe 10 rue Camille Breton. Également aux permanences du comité des fêtes, dont la prochaine est le 8 février, de 10h à midi, 19 boulevard du Sevrage Anazel Négron, ou sinon par téléphone. Et alors à quel numéro ? Au 06 75 90 45 01. On espère pouvoir recevoir un maximum de personnes et que cela plaise à tout le monde. Oui, de toute façon, c'est une pièce comique. Hein. Oui. Donc voilà. Les gens passeront une bonne soirée, c'est pour toute la famille. Hein. Oui, c'est ouvert à tout le monde. Les enfants aussi. Voilà, le public visé est assez large. C'est sympa. D'accord, ben merci Lucas. Et donc, je vous conseille d'aller les 22 ou le 23, donc 22 février à 20h30 ou 23 à 15h. Voilà. Voir Les Feux de l'été, qui est une pièce de théâtre, une comédie. Et je pense que vous passerez un très bon moment.